Le 9 courant, il y a eu en Corée la conférence conjointe du gouvernement, des partis politiques et formations. Là, on a adopté un appel à l'adresse de toute la nation coréenne. En voici le résumé. Le projet de la réunification indépendante avancé par le respecté maréchal Kim Jong-un a pour son noyau invariable l'indépendance et la grande union nationale, vérité prouvée au cours de la lutte acharnée pour la réunification de la patrie. Il présente également le moyen le plus juste, équitable et réaliste, reflétant le désir ardent de toute nation de jouir éternellement du bonheur sur le territoire réunifié. Toute la nation doit ouvrir la voie de la réunification sous la bannière de l'indépendance nationale. Il n'y a aucune impossibilité si tous les Coréens s'efforcent ensemble. Il faut ouvrir l'âge d'or de la cause pour la grande unité nationale en faveur de la réunification de la patrie. Œuvrer ensemble pour la réunification, même avec celui qui avait empêché la réunification, c'est là une ombre de la conscience nationale, voilà le vrai sens de l'idéal sur la grande union nationale précisé par le patriote sans égal. Toute la nation doit s'efforcer pour transformer le territoire de 300 lieues en berceau de la paix et de la sécurité durable et paradis plein de bonheur. Si on désire la vie paisible et stable, toute la nation doit s'engager ensemble dans la lutte sacrée anti-américaine visant à expulser les forces armées américaines dans la péninsule coréenne, auteur de l'agression et de la guerre. Il faut édifier en face du monde entier la puissance réunifiée sous forme fédérale soutenue par la nation. Tous les Coréens du Nord, du Sud et d'Outre-mer doivent soutenir absolument la réunification sous forme fédérale et s'efforcer dynamiquement pour sa réalisation sans égard à la différence d'idéologie et de régime. Il faut ouvrir une nouvelle voie de l'amélioration des relations intercoréennes en faisant résolument adieu au passé taché d'hostilité, de confrontation et de collision. Nous proposons d'organiser la conférence nationale pour la réunification à l'occasion du 71e anniversaire de la libération de la patrie, tout en partant du vœu ardent de surmonter les actuelles difficultés et d'opérer un tournant décisif dans les rapports Nord-Sud et dans la cause de réunification de la patrie, en conjuguant les efforts.